Colossiens chapitre 4. Maître, rendez le droit et l'équité à vos serviteurs, sachant que vous avez aussi un Seigneur dans les cieux. Persévérez dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole, pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel aussi je suis prisonnier, afin que je le manifeste selon qu'il faut que j'en parle. Conduisez-vous sagement envers ceux de dehors, rachetant le temps. Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel avec grâce, afin que vous sachiez comment vous avez à répondre à chacun. Tychique, notre frère bien-aimé, et fidèle ministre, et compagnon de service en notre Seigneur, vous fera savoir tout mon état. Je l'ai envoyé vers vous expressément, afin qu'il connaisse quel est votre état, et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime, notre fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, ils vous avertiront de toutes les affaires d'ici. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi, et Marc, qui est le cousin de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu un ordre, s'il vient à vous, recevez-le. Et Jésus, appelé juste, qui sont de la circoncision, ceux-ci, qui sont mes compagnons d'œuvre au royaume de Dieu, sont aussi les seuls qui m'ont été en consolation. Épaphra, qui est des vôtres, serviteur de Christ, vous salue, combattant toujours pour vous par ses prières, afin que vous demeuriez parfaits, et accomplis en toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous, et pour ceux de Laodicée, et pour ceux d'Hérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, et Déma aussi. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nympha, avec l'église qui est en sa maison. Et quand cette lettre aura été lue entre vous, faites qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens, et vous aussi, lisez celle qui est venue de Laodicée. Et dit à Archippe, prends garde à l'administration que tu as reçue en notre Seigneur, afin que tu l'accomplisses. La salutation est de la propre main de moi Paul. Souvenez-vous de mes liens. La grâce soit avec vous. Amen.